21h bientôt à la pendule de Radio Béton. On continue à dérouler l'émission de ce soir avec une autre doublette qui nous fait faire un grand écart stylistique. Drutk Escuela Grind. Ensuite, d'ailleurs, Escuela qui sera de passage pas très loin de chez nous fin février à Angers, au Shabada, puisque c'est eux qui accompagnent la tournée de Napalm Death, Drop Dead et j'ai bouffé le nom du groupe qui les accompagne également. Enfin voilà. Tout d'abord, Drutk, donc la formation de Black venue d'Ukraine, énième effort studio, hein, le groupe est très très prolifique depuis 2003. All Belong to the Night, hein, je vous fais la version anglaise, pas la version ukrainienne bien sûr. Une sortie sur la belle française toujours Season of Mist, et Drut qui est toujours sur son black un peu atmo, un peu pas avant-gardiste mais typique Europe de l'Est, et voilà, toujours riche et plaisant à s'écouter les titres de Drut, quoi. Et donc en doublette radicalement différent, Escuela Grind Grindcore qui nous vient du Massachusetts aux US, un trio emmené par une femme. C'est du grind plus plus, hein, Escuela Grind, un peu hein, à la sauce de ce qui est devenu Napalm Death à l'heure actuelle. Le nouvel effort studio s'intitule Memory Theater. On s'écoutera le titre All Is Forgiven, et juste avant ça, Drutk avec le morceau Windmills. C'est parti. Исторно сплеление. Allez, 21h12 à la pendule de Radio Béton, toujours à l'écoute d'Hellbanger sur 93.6, on retrouve l'ami Thibaut pour un deuxième focus, et pas des moindres celui-là. Bah pas des moindres, oui, parce que c'est assez exceptionnel quand même d'avoir des groupes qui viennent de cette région et tout particulièrement de ce pays. De ces contrées, exactement. Voilà. Donc Irony Destroyed, un groupe qui nous vient du Kenya, de Nairobi pour être exact, une formation qui doit être autour de 2017. Alors c'est un peu galère d'avoir de l'information sur le groupe parce que ça c'est pas facilement trouvable. J'ai cru voir des choses à partir de 2017, donc peut-être qu'il y a quelque chose encore avant, mais en tout cas il y a pas de sortie, il y a pas de single derrière, peut-être formation 2016, mais dans ces zones-là, moi j'ai 2012 sous l'œil. date de formation, est-ce que c'est fiable, ouais. Difficile à dire. En tout cas, les premières productions vraiment qu'ils ont musicales, diffusées dataient de 2017. Donc premier album à ma connaissance, parce que c'est pareil, pas facile d'avoir de l'info, mais de ce que j'en ai compris, c'est le premier album. Ils nous font, on va dire, du metalcore, pour faire simple. C'est un petit peu compliqué parce que voilà, Irony Destroyed, c'est une espèce de mélange de plein de trucs. Ils ont visiblement beaucoup de trucs à dire, beaucoup d'influences qui se croisent dans leur tête, et du coup ça donne, ouais, du metalcore a priori, mais on va avoir des éléments qui viennent un petit peu de Death Ricain de temps en temps, avec des influences. T'as des passages un peu Morbid Angel, tu sais pas trop d'où ça vient. T'as beaucoup beaucoup de choses qui viennent du mélo suédois, et t'as au milieu de tout ça des fois un petit passage un peu shoegaze post qui vient se mélanger. Donc ça donne un truc assez assez atypique. C'est un peu pour ça que je l'ai choisi, parce qu'en écoutant tu fais mais j'ai jamais entendu un truc comme ça. Et à côté t'as le visuel de l'album. Tu regardes, c'est une pochette de hardcore en fait. C'est une espèce de patchwork avec des images de guerre et tout ça. C'est des trucs que tu retrouves normalement dans le hardcore. Du coup, tu comprends pas trop les. C'est rigolo parce que tu comprends pas ce que tu regardes, tu comprends pas ce que t'écoutes. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc globalement, la scène du Kenya, j'ai regardé, c'est une scène qui doit avoir une dizaine de groupes à tout péter. La majorité sont de Nairobi, et la majorité sont des mêmes membres de groupes qui ont monté des projets les uns avec les autres. Donc t'as un petit groupe qui notamment tourne autour de Irony Destroyed, où tu as des groupes de deathcore qui apparaissent à droite à gauche, t'as un groupe de post-black qui doit être dans le secteur. Enfin, c'est assez inexistant comme scène en fait. C'est des choses qui, voilà, il y a 10 groupes sur le pays en entier, c'est dérisoire. Et c'est hyper important justement globalement sur le continent africain, parce qu'on a quand même pas grand chose qui vient, en tout cas sub-Sahara. Et si t'enlèves l'Afrique du Sud, t'as quand même pas grand chose. T'as l'Égypte qui a eu quelques balbutiements de temps en temps avec quelques groupes assez cool, mais globalement c'est une région du monde où cette musique n'est pas du tout existante. Et là, on a un projet qui est globalement super bien branlé. Alors bien branlé, il a plein d'imperfections, mais c'est quand même globalement quelque chose qui sonne beaucoup moins amateur que ce qu'on a pu avoir, de ce que j'ai pu entendre d'autres pays qui viennent de cette région là qu'est-ce que je voulais dire, je me suis embrouillé. C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Je reprends, hein. Notamment dans les noms, ouais, qu'on va retrouver donc sur la scène de Nairobi, on a Lust of the Dying Breed. Et alors ça, c'est du deathcore, de souvenir. C'est justement les membres du groupe qui tournent, donc les membres du groupe qui ont aussi eu ce projet-là, en tout cas en partie. Et tu as For Your Lying Trees Hurts, qui est alors un machin avec des compos logiciels que j'ai trouvé à droite à gauche. Et c'est pareil, ça a l'air d'être un espèce de proto de proto et Irony Destroyed qui a existé. Enfin, c'est assez intéressant de gratter. Et puis t'as vraiment, tu sais, sur YouTube le .mp3 encore sur le fichier. Enfin, c'est parfait. Et en fait l'album en lui-même, il est imparfait clairement, avec des fois l'enregistrement qui est un petit peu bancal. On a un chant clair qui est poussé comme c'est pas permis, et oui, qui est un peu naze, qui arrive comme un champignon là. Ouais, voilà. Et pourtant, perso, j'ai une forte affection pour ce projet, parce que en fait, c'est fait avec les tripes, c'est fait avec les moyens du bord, qui sont ce qu'ils sont, avec la connaissance qu'ils ont aussi de cet univers qui est pas forcément facile d'accès dans ces pays. Et là, c'est bien foutu. Au final, ça marche super bien. C'est un petit peu un mélange de plein d'influences, de plein de choses, mais c'est bien branlé, c'est bien pensé. Les compos, elles sont, ça t'accroche en fait. Le premier coup, tu vas écouter, tu vas faire, bref, c'est pas fou, mais ça fonctionne. Et en fait, au fur et à mesure des écoutes, tu vas te dire, c'est quand même pas trop mal foutu. Et voilà, c'était tout simplement ça, un projet que j'ai trouvé vraiment chouette. Ouais, et remis dans son contexte, tout, enfin, ça reste ultra sincère et viscéral. Et on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Nous, c'est ce qu'on aime bien chercher aussi. C'est pas la perfection, c'est pas le ah bah moi j'aurais plutôt vu ça à ce moment-là. C'est le ok, putain, ils ont fait ça. Mais en fait, pourquoi ils ont fait ça? Ok, d'accord. Et remonter un peu le cheminement. Et c'est vrai que notamment par le biais des focus, c'est là qu'on peut accorder de l'attention et de l'intérêt à tous ces groupes un peu qui sortent de l'ordinaire, tout simplement, et qui sont riches à leur manière, encore une fois, liés à un contexte. Et c'est très intéressant de se pencher dessus, hein, parce que là, quand on est sur le bandcamp du groupe, donc il y a la pochette de l'album, qui, quand on prend le temps de regarder élément par élément, est hyper violente. Ouais, et le fond d'affichage du bandcamp est hyper violent, mais le Kenya est un pays violent. Et du coup, c'est hyper sincère quand les Icos de Iron Destroyed, nous balancent leur musique aux oreilles. Ouais, complètement. Voilà. Et ben voilà, le tour de présentation est fait. Parce que je n'ai pas grand chose de plus à rajouter, parce que je l'ai aussi un petit peu écouté, un petit peu observé. Une discographie, comme tu as pu le dire, clairsemée, hein, un deux titres ici, un EP là. Voilà, mais là, une première vraie sortie studio longue durée pour eux, Irony Destroyed. On s'écoute le titre, c'est un petit mot à dire dessus. Le titre c'est Meno Kweni Chingo. J'ai mangé le nom de la langue dans laquelle c'est, mais c'est parce que t'as des morceaux qui sont chantés en anglais et des morceaux qui sont chantés dans une langue. Un dialecte kényan, certainement. Voilà, c'est ça, j'ai mangé le nom. Un morceau que j'ai juste trouvé représentatif en fait de la globalité de l'album, et bah, c'est pour donner un petit peu une idée de ce qu'ils proposent sur leur travail. Voilà. Irony Destroyed, c'est le nouveau focus pour ce soir, et c'est également une nouveauté, c'est parti! Wanadai kuwe kama wao, wanadai kuleta utengano. La suite, une doublette de nouveautés, et cette doublette de nouveautés va nous permettre en plein milieu d'entamer l'aspect française. Tout d'abord, nous avons Rising Steel, ça nous vient de Grenoble, vous l'aurez deviné avec le nom du groupe, c'est du bon heavy, du revival de très grande qualité. Beyond the Gates of Hell, c'est clichésque à souhait, c'est catchy comme il faut et c'est très cool. Une sortie Frontiers Records, ça fait longtemps qu'on n'avait rien eu de ce label là. Life Awaits Beyond the Void, c'est le titre de Rising Steel qu'on va s'écouter tout de suite. Et en doublette, nous avons Hull, la toute dernière signature des Acteurs de l'Ombre, si je ne m'abuse. Formation francilienne, alors je dirais pas qu'ils font du pirate black metal, hein, mais leur thème c'est quand même le monde océanique, les thèmes marins, ça se voit sur les photos de promo. L'artwork, il est minimaliste, mais je trouve assez esthétique malgré tout. Hein ? Pardon, c'est l'EP qu'ils ont sorti. Oui, c'est un EP. J'allais dire c'est un album, non, c'est un EP. 4 titres, près de 30 minutes. Donc voilà, des compos assez généreuses également. J'ai pas du tout écouté Hull, donc on va découvrir ça à peu près en même temps que vous, enfin me concernant. On est sur du assimilé black metal, on va dire. Au loin, la tempête, c'est le titre qu'on s'écoute tout de suite. I'm On continue l'aspect française avec Catalyst. Catalyst, je crois qu'on vous l'a rentré dans la diff la semaine dernière. On est sur il y a deux semaines pardon. On est sur du Tech Death Friend Touch. Parce que oui depuis quelques années maintenant, la France peut se targuer vraiment d'avoir une sonorité Tech Death propre à elle. Particulièrement dans le Grand Est de la France, parce que là on a Catalyst et j'ai bouffé le nom de c'est pas Fractal Universe, c'est si c'est Fractal Universe qui doit venir aussi de ces régions là. Voilà pour les petites présentations. Second album studio Different Painting for a New World. L'album est déjà dispo chez Nanser William, ça rigole zéro. Et en doublette avec Catalyst, Iron Deficiency, ça c'est une grosse nouveauté, une grosse sortie sur la scène hardcore plus. Iron Deficiency, ça nous vient donc de la scène hardcore lyonnaise. On est sur un hardcore code straight edge avec une jeune femme au micro, plusieurs EP démos avant, et là c'est le premier et véritable album, Morning in the Burning House. Tu parlais tout à l'heure, Thibaut, sur ta présentation de Irony Destroyed, d'un visuel à base de patchwork, d'éléments, etc., qu'on retrouvait dans le hardcore. C'est complètement le visuel de ce Iron Deficiency, Morning in the Burning House, une sortie Youth Authority Records. On va s'écouter le titre de clôture de l'album, sur lequel on retrouve le chanteur-bassiste de Cavalry en guest, et c'est d'ailleurs le titre de l'album, et juste avant ça, Catalyst, To Unleash Thy Ainuth Fate. C'est parti, doublette dans l'aspect française. Oh! Voilà, Iron Deficiency, vous en réentendrez parler. Bah, en fait, déjà tout du long qu'on va vous les diffuser, parce que c'est vraiment ultra vénère ce nouvel album studio. On enchaîne avec Epectase, la formation francilienne qui nous fait du black plus. Epectase, second effort studio. Dedans, on retrouve membres de Phil Skulls, Acedia Mundi. Ce nouvel effort studio s'intitule Necrose. Il voit le jour 3 ans après l'album Astre. Quatre titres, hein, des morceaux très très longs. Donc là, encore une fois, c'est une version édite un peu raccourcie. Mais, on vous invite une fois de plus à réécouter l'émission dès demain soir, parce que la version podcast, les titres sont en entier, et encore plus à vous procurer l'album de Epectase pour pouvoir profiter du morceau dans son intégralité. C'est une sortie sur le très bon label nantais Frozen Records, qui a une boutique, et puis bah, pareil, on ne peut que vous inviter à aller vous rendre sur leur site VPC, ou bien carrément si vous êtes autour de Nantes, à aller les voir, parce que bah nous, chaque fois qu'on a eu affaire à eux en concert ou festival, Frozen Records, ils ont plein de trucs super cool à des tarifs super intéressants. Donc voilà, soutenez aussi vos disquaires nationaux, on va dire, même si vous n'êtes pas de Nantes. Epectase, et on se coupe le titre de l'album Necrose. We'll be right back. Et on est toujours dans Hellbanger sur le 93.6, on est toujours dans l'aspect française, et on se fait de nouveau rejoindre par l'ami Thibaut pour le troisième et dernier focus de ce soir, et que c'est pas du black. Eh ben non, c'est pas du black, c'est français, c'est même pas du black metal d'ailleurs. Oh. Du coup, direction Strasbourg pour une formation qui nous fait du death grind au relent de hardcore et crust et un peu de tout, haut et court. Un groupe qui s'est formé en 2012. J'ai été étonné parce que c'était un groupe dont j'avais pas spécialement entendu parler jusqu'ici. Un premier EP également en 2012 qui s'intitule La Vie. C'est du grind crust, c'est bien poisseux comme j'aime. Moi j'ai vraiment adoré en fait ce tout premier EP. J'ai trouvé intéressant et bah bien rentre dedans, bien débile comme il faut. Donc c'était vraiment vraiment cool. 2015, premier album, Trophéa. Plus death, un peu moins crust grind. Enfin, il y avait des éléments de hardcore qui étaient présents dans le premier qui disparaissent un petit peu là. C'est très bon dans l'ensemble, mais voilà, moi ça manque un petit peu de percutant à mon goût, et j'y ai pas forcément trouvé mon compte. 2019, ils sortent un second album qui s'appelle Ineffabilis. Percutant, chaotique, juste comme il faut, il était vraiment chouette. Je trouvais meilleur que le premier album, vraiment plus sympa, mieux construit. Et donc là, ils sortent un EP qui s'appelle Collapse. C'est une sortie chez No Good to Anyone. Et voilà, je trouvais vraiment chouette comme sortie. Que dire dessus, le visuel, j'ai trouvé what the fuck. Absolument what the fuck. Mais au final, assez cohérent en fait. C'est chaotique. Tu restes devant, tu fais OK, qu'est-ce que je suis en train de regarder. C'est ça. Quand tu vas écouter, tu fais OK, qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Et après, c'est bien, ça permet de se poser des questions introspectives sur sa vie. Et... Exactement. Voilà. Mais tu sais, j'ai retrouvé l'effet. On parlait du groupe il n'y a pas longtemps, mais en plus, en off. Mais tu sais, Cavalerie, ce cheval qui se casse la gueule dans un bureau, tu sais pas et pourquoi. Oui. Bah là, c'est un peu ça aussi. T'as les têtes de chevaux qui sont enterrées dans la neige. Enfin, c'est des têtes d'âne, même, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, tu comprends pas le sens. Il doit y avoir quelque chose. Mais moi, je suis passé complètement à côté. Un EP qui se veut beaucoup plus sale et beaucoup plus vilain que ce qu'ils avaient proposé en 2019. Plus de break. Enfin, vraiment, t'as un côté hardcore qui est vraiment très présent dans celui-là, qui n'était pas forcément dans les deux premiers albums. Là t'as des breaks qui enterrent vraiment, on entendra sur le morceau que j'ai choisi pour ce soir, mais t'as vraiment quelque chose qui est très violent. Ça danse un peu dans l'ensemble, bah c'est méchant quoi. C'est vraiment un truc bien frontal, ça dure 15 minutes, je sais plus combien il y a de morceaux, 6-7 pistes, un truc 7 comme... titres ouais bon, dont le dernier c'est presque du prog hein. Il avoisine les 4 minutes ouais c'est ça. Là, sinon les morceaux c'est une minute de l'ordre de 1 à 2 minutes. Puis tu prends un coup de poing dans l'estomac, tu dis merci et puis tu vas faire un petit tour, tu passes à autre chose. Ça va prendre l'air. Ouais. Mais voilà, un bon petit projet dont j'avais jamais entendu parler et bah j'ai bien bien kiffé. Voilà. Tout simplement. Et ben voilà, la messe est dite, hein, parce que c'est pareil, au Écourt, c'est un nom que j'ai vu pas mal sur les affiches, mais sans jamais prendre le nom de vraiment m'y intéresser plus que ça. Très bon chaotic grind hardcore. Et ouais, c'est le titre de clôture de l'EP du coup qui avoisine les 4 minutes, Punk is Dead, que je trouve assez rigolo. Et donc tu as choisi le titre Backstabbers. Ouais, 1 minute 40, c'est violent et il y a un break monstrueux dedans, donc voilà. Du pur plaisir, allez, haut et court, c'est parti, dernier focus de l'émission de ce soir.